Et non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Morant is dead. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, amis cinéphiles, et bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Ce soir, une émission spéciale dédiée à la double ressortie en combo DVD Blu-ray du Lion et le Vent de John Milius et de L'homme qui voulut être roi de John Huston. Donc vous l'aurez compris, une double émission en hommage à Sean Connery, récemment disparu. Pour laquelle je suis encore une fois extrêmement bien entouré avec mes collègues. Bonsoir Manuelès. Salut Olivier, je vois aussi que tu es bien entouré, hein, vu ce que tu as dans les bras. Oui, donc s'il y a des petits gazouillis, voilà, c'est un recording confinement à la maison, donc il y a gazouillis d'enfants peut-être. Lucien Alflantz, bonsoir. Salut les gars, salut les enfants. Et Julien Rombaud, bonsoir. Salut les amis, salut tout le monde. Donc, je l'ai dit, émission en forme d'hommage à l'un des acteurs les plus classes que la Terre ait jamais porté, le récemment disparu Sean Connery, en détaillant deux films marquants d'une filmographie impressionnante et qui ont donc été réédités récemment. Deux films sortis en 1975 et dans lesquels le légendaire acteur écossais tient le haut de l'affiche, soit Le Lion et le Vent de John Milius, ressorti début novembre chez Rimini, accompagné d'un livret de 100 pages et de bonus exclusifs, et notamment un commentaire audio dédié à la musique de Jerry Goldsmith. Et puis nous continuerons avec le légendaire L'homme qui voulut être roi, un film de John Huston, ressorti quant à lui le 25 novembre dans un coffret collector chez Wildside, bourré de bonus et bardé d'un livret écrit par le critique Samuel Blumenfeld. Voilà. Mais commençons tout de suite par quelques mots sur le grand Sean, acteur, producteur, né à Édimbourg en 1930 et mort aux Bahamas le 31 octobre dernier à l'âge de 90 ans. Sean Connery est donc issu d'un milieu très modeste. Il a été entre autres matelot de la marine britannique, puis culturiste, avant de commencer à occuper de petits rôles au théâtre et à la télévision. Son destin prend un tour différent quand en 1961, il remporte, devant James Mason, David Niven ou même Cary Grant, un concours qui vise à trouver un acteur original afin d'incarner à l'écran James Bond, héros des romans populaires de Ian Fleming. Sean Connery est choisi et entre dans la légende en incarnant le rôle de l'agent 007 à 7 reprises, si l'on compte le hors-série Jamais plus jamais d'Irvin Kershner en 1983. Sur une carrière de près de 60 ans, Sean Connery a tourné avec de nombreux réalisateurs prestigieux, d'Alfred Hitchcock, Pas de printemps pour Marnie en 1964, à Brian De Palma, Les Incorruptibles en 87, de John Boorman avec l'inénarrable Zardoz en 73, à John McTiernan avec À la poursuite d'Octobre rouge en 90, en 90, et Medicine Man en 92. Sans oublier bien sûr de citer Sidney Lumet avec qui il travaillera 5 fois, de La colline des hommes perdus en 65 à Family Business en 89, mais aussi The Offense en 73, considéré par beaucoup comme le sommet de leur collaboration et peut-être le plus grand rôle de l'acteur écossais anobli en 2000. Et maintenant, messieurs, j'ai beaucoup travaillé à la préparation de cette émission, et donc j'ai un petit nouveau jingle à vous proposer. Vous êtes prêts ? J'espère que vous êtes prêts. Il me suffirait de claquer encore des doigts pour que demain vous soyez aspiré par une motocrotte sur le trottoir d'en face. Je ne saurais donc trop vous conseiller, ainsi qu'à votre toutou, de rentrer à la niche. Vous avez d'autres questions ? Oui. Deux, très brèves. Primo, pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Deuxio, comment comptes-tu claquer des doigts pour tes molosses, une fois que je t'aurai bouffé les pouces des deux mains? Vous l'aurez donc compris, c'est le moment tant attendu des questions. Donc les questions, trois questions sur la carrière du grand Sean Connery. Première question, quelle actrice fait le lien entre Sean Connery, Michael Douglas et Gérard Jugnot ? Oh putain. Une Française du coup. Sophie Marceau ? Non. Dans un film de Philippe de Broca ? Claudia Cardinal ? Non. Je rajoute quelqu'un, Sean Connery, Michael Douglas, Gérard Jugnot, George Clooney dans un film des frères Coen. Catherine Zeta-Jones ? Bonne réponse, Catherine Zeta-Jones, femme de Michael Douglas, partage la vedette avec Junio dans Les Mille et Une Nuits de Philippe de Broca en 1990 et avec Sean Connery dans l'excellentissime Haute Voltige de John Hamill en 1999. Un film inoubliable. Alors, question spéciale, footeux. Le saviez-vous, Sean Connery, à l'âge de 23 ans, a refusé une offre pour devenir footballeur professionnel. Ça, c'est pour offre... Julien, c'est dans son club préféré. Manchester United. Ok, bien sûr. Donc, il a reçu une offre de Matt Busby, le manager de Manchester United, mais il a refusé. Alors, ensuite, Sean Connery a arpenté la forêt de Sherwood par deux fois. Quel film, quel rôle ? Robin, le Robin des Bois. Ok, dans quel film ? Bah, il joue dans le Kevin Reynolds, non ? Exactement. Non. Donc tu as la réponse en effet. Mais quel rôle joue-t-il dans le Kevin Reynolds? Le père de quelqu'un. Le père de Robin des Bois. Ok, vous êtes nuls. Très bien, messieurs. Donc c'était La Rose et la Flèche où il joue un Robin des Bois vieillissant de Richard Lester en 1976 et of Robin course. Des Bois Prince des Voleurs de Kevin Reynolds en 91 où il joue Richard Cœur de Lion dans les dernières minutes mais du oui. film. Voilà. Les mecs, ils ambitionnent de faire une spéciale Sean Connery, on voit le niveau quoi. Bon, on va tout de suite rehausser le niveau. Manu, je comprends ton désarroi en écoutant un petit peu du score de Jerry Goldsmith écrit pour Le Lion et le Vent en 1975. Inspiré de faits réels, l'enlèvement d'Ion Perdicaris, un Américain d'origine grecque, l'action du film Le Lion et le Vent, donc de John Milius, se déroule en 1904 au Maroc, alors sous triple influence britannique, allemande et française. L'américaine Eden Perdicaris, incarnée par Candice Bergen, et ses deux enfants sont enlevés par un groupe de cavaliers menés par le chef berbère El Raisouli, le magnifique, qui n'est autre que Sean Connery. Par cet enlèvement, El Raisouli veut provoquer le sultan Abdelaziz et le pacha de Tanger et prouver aux tribus marocaines leur compromission aux forces occidentales. Pendant ce temps, aux États-Unis, Theodore Roosevelt voit là l'occasion d'une démonstration de force à la veille des élections et l'opportunité d'étendre son influence internationale. On retrouve aussi au casting, donc outre Sean Connery, Candice Bergen, Geoffrey Lewis ou même John Huston, dont on parlera un petit peu plus tard dans cette émission. La photographie est du britannique Billy Williams, qui a notamment travaillé avec Ken Russell et qui bossera par la suite sur Gandhi de Richard Attenborough. Et la musique, bien sûr, qu'on vient d'écouter, est de Jerry Goldsmith, qu'on ne présente plus, collaborateur régulier, entre autres, de Franklin Schaffner, de Ridley Scott, de Joe Dante, pour ne citer que. Voilà. Je vais d'abord demander à mon cher camarade Manuelas de nous resituer le film dans la carrière de son auteur John Milius. Bon, déjà en préambule, on va peut-être s'excuser auprès de Julien de lui mettre deux fois d'affilée des films de réalisateurs de droite ou du moins réactionnaires au programme, avec Bronx la fois passée et Le Lion et le Vent cette fois-ci, parce que je sens qu'avec son petit cœur fragile, il va partir en courant et en hurlant « Rendez-moi Claire Denis et Emmanuel Mouret !» Eh bien, je vais te contredire très vite. Mais bon, sinon, au-delà de la plaisanterie, on va déjà peut-être un peu présenter Milius, ou du moins le resituer dans le contexte de l'époque et celui de la sortie du Lion et du Vent. Milius, c'est un petit peu le grand absent de la photo de groupe des enfants terribles du nouvel Hollywood, celle des Spielberg, Scorsese, Coppola, De Palma, Luca. Alors justement, Cumulus va être un des premiers à se faire un nom au sein de l'industrie hollywoodienne en signant coup sur coup les scénarios de l'inspecteur Harry, de Jeremiah Johnson et de Jugeur la loi, un film justement réalisé par John Huston, mais ça on en reparlera peut-être par la suite. Et bien sûr, celui d'Apocalypse Now. Certains de ces scénarios qu'il reniera d'ailleurs. Oui, des scénarios qu'il reniera au moment de la sortie, mais sur lesquels il reviendra pas la suite. Je crois que c'est le cas notamment de Jeremiah Johnson, sur lequel il va revenir des années plus tard en réévaluant le film. Et donc, d'une certaine manière, avant même de passer à la réalisation, Milius, au début des années 70, c'est déjà un nom qui compte au sein de l'industrie hollywoodienne. Alors qu'au même moment, Lucas sort du beat de son premier film qui était Hachik 1138. Scorsese ne va réaliser que son premier film, Oscar Bertin, en 72 pour le compte de Roger Corman. De Palma, c'est encore un réalisateur plus ou moins underground. Et Spielberg travaille encore à la télévision, même si Duel, qui est à l'origine un téléfilm, va connaître une exploitation sale. Donc Milius, c'est déjà un nom, mais c'est aussi déjà une petite légende en soi. C'est un personnage à part entière, un personnage assez haut en couleur, totalement à contre-courant de son époque. Quelqu'un qui est vraiment tourné vers le passé, fasciné par les armes à feu, la guerre, et qui ne va pas hésiter à demander, par exemple, en guise de complément de salaire à la Warner, de lui payer un Magnum 44 pour écrire l'inspecteur Harry, un film pour lequel il n'est pas crédité au scénario, mais qui porte quand même son empreinte au fer rouge. Donc voilà, Milius, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout en face avec le cinéma de son époque. Et c'est justement quelque chose qui est assez visible dans Le Lion et le Vent. C'est quelqu'un qui aspire à un retour à un cinéma beaucoup plus classique, avec en ligne de mire la figure tutélaire de John Ford. Et justement, si on prend John Ford comme modèle, la célèbre phrase de Liberty Valance qui est « Si la légende est plus belle que la réalité, imprimez la légende », d'une certaine manière, c'est ça qui a participé à éclipser l'importance du travail de John Milius durant ces années-là, en faisant disparaître son travail derrière sa propre légende, sa propre statue. Et c'est particulièrement intéressant ce que tu dis par rapport au film dont on va parler aujourd'hui, parce que Le Lion et le Vent sort en 75 et... Donc en plein, comme tu viens de le dire, en plein Nouvel Hollywood, alors qu'il se rattache plutôt, en tout cas formellement, à des grandes productions classiques et exotiques, à la David Lean, voire même, si on tire un peu plus loin, à Korda, à Zoltan Korda, ou ce genre de production. Mais on y reviendra plus précisément, ça se cantonne surtout à la forme, il me semble. Voilà, et puis en plus, Le Lion et le Vent, ce sont premier film de studio, puisque le film qu'il a fait auparavant, Dillinger, était une petite production de série B tournée pour AIP, tandis que là, il a vraiment vocation à s'inscrire dans une certaine tradition du cinéma hollywoodien, effectivement avec en ligne de mire Laurence d'Arabie, c'est assez évident. Donc voilà, c'est un film, Le Lion et le Vent, qui est plutôt réactionnaire dans sa forme, à contrario de ce qu'on vont faire des cinéastes comme... Lucas, Coppola, Spielberg, De Palma, qui vont vraiment vouloir défricher formellement un autre type de cinéma. Là où Milius cherche clairement à s'inscrire dans le chemin de ses pairs et tourne le dos à cette petite révolution du nouvel Hollywood, en fait. Et Le Lion et le Vent, justement, c'est un film qui aussi pose les limites de Milius en tant que metteur en scène. Notamment dans tout ce qui est sa gestion de l'action. C'est assez flagrant, je trouve, dans la scène qui n'est pas forcément la plus engageante, qui est la scène de début de l'enlèvement de la famille Pédigaris, qui, en termes de rythme, de cadre, a beaucoup de mal à épouser la dynamique de la partition assez épique de Goldsmith. Mais ça reste un film fascinant dans tout son aspect, pour le coup, hautement milusien, dans toute sa confrontation entre le personnage de Ray Sully et de celui de Roosevelt, et qui vraiment est le cœur du récit et ce qui intéresse profondément Milius. Ouais, c'est là que le film me semble en effet le plus intéressant, parce qu'en effet, c'est vrai que dans les scènes d'action marchent assez moyennement, et même si c'est assez intéressant, ça va jamais au bout de son idée. Il y a une forme de rupture entre la violence de l'histoire et de certaines scènes qui ne sont pas tout à fait abouties, et la forme qui est presque très doucereuse, j'ai envie de dire, et au classicisme assumé, comme on le disait plus tôt. Mais en effet, la construction des personnages de Elra et Sully et de Roosevelt est par contre assez brillante. C'est une construction un peu en parallèle et montre les deux personnages à la fois très proches et très éloignés. Et c'est quelque chose qui marche assez bien tout au long du film, qui montre ces deux personnages vraiment qui pensent un peu, peu ou prou, avoir le même type de mission de conservation historique de la grandeur de leur peuple, si je peux dire ça comme ça. C'est quelque chose que je trouve étonnant. Milius, qui est toujours quelqu'un qui a tendance à assumer parfaitement ses propos et même à les pousser parfois même plus loin, je pense, que jusque là où va vraiment sa pensée. Ici, je le trouve un peu trouble. On le sent, on l'imagine admirer l'expansionnisme de Roosevelt et en même temps la volonté de ce peuple de garder ses coutumes. Je trouve le film assez difficile à cerner à ce niveau-là, mais ça le rend pas moins inintéressant pour autant. Mais je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire, Lucien. En fait, je trouve le film étonnamment difficile à cerner par rapport à son discours, parce que, bon, si, bien sûr, ce qui est clair, c'est que Milius exalte les gens qui ont une certaine noblesse guerrière, une certaine volonté... C'est ça qui rapproche les deux personnages. Voilà, c'est ça, je trouve. Mais je trouvais que, en fait, il est très ambivalent sur les deux personnages, parce que quand tu prends la première scène de présentation du personnage de El Rai Sully, il est montré à la fois comme bouffon, mais aussi comme bourreau. Enfin, il se casse la gueule de son cheval, après il claque l'actrice Candice Bergen, et puis en même temps, dans la mise en scène, il est montré vraiment comme un héros, avec ce travelling avant, son apparition, etc. Donc t'as une espèce de triple rapport avec lui, et Roosevelt aussi, moi j'étais bien en peine, une fois le film terminé, de me dire quelle est exactement la pensée de Milius sur Roosevelt. Après, j'ai lu que c'était une de ses figures favorites, mais... Oui, le personnage de Roosevelt est vraiment tourné en dérision à plusieurs moments, et la fin, le dernier plan où on le voit face à son ours, il est un peu ridicule, enfin, il en joue, enfin, c'est volontaire, je pense. Je pense pas qu'il est ridicule, à mon sens. C'est ce côté, justement, assez beau de cette discussion qu'il a après la session de chasse à Yellowstone, où il discute avec des journalistes sur l'animal qui, pour lui, incarnerait beaucoup plus l'emblème américain et la nation américaine que l'aigle, qui serait le grizzly. Et on voit très bien qu'en sous-texte, Milius se place très clairement dans le personnage de Roosevelt, déjà par la fascination que Roosevelt a pour les armes que partage Milius, dans ce côté très va-t-en-guerre que peut avoir Roosevelt dans ces scènes-là. C'est vraiment un personnage qui fascine Milius et dans lequel, à mon avis, il se fond complètement. Je trouve qu'à... Je suis pas d'accord avec ça, Manu. Je trouve qu'à aucun moment... si je ressens de la fascination de Milius pour Roosevelt, en effet, par tout ce que tu viens de citer, mais je trouve qu'il est effectivement plus tourné en dérision, et l'épilogue le prouve à mon sens. Je trouve qu'on est souvent mis du côté de El Rai Sully, de son exotisme, de sa bravoure et de ses envies de noblesse. L'ambivalence dont parlait Oli, je trouve qu'elle est bien plus concrète chez le personnage de Sean Connery, qui est entre deux choses. Effectivement, c'est un brigand, un voyou, et qui en même temps a une certaine noblesse, un certain charme qu'on voit à travers le personnage de la femme ou des enfants notamment. Et je trouve que Roosevelt a l'air effectivement plus va-t-en-guerre, mais en effet aussi plus seul, plus égoïste, etc. J'ai l'impression que, malgré sa fascination, on est constamment mis avec le personnage de Sean Connery, moi. J'ai aussi un peu l'impression qu'il s'auto-inflige de choisir, si on voulait utiliser une image cinéphile, que Milius s'auto-inflige de choisir entre Ford et Kurosawa. À certains moments, on se dit, à ce niveau-là, par rapport à cette forme de manière de raconter la guerre et de noblesse, si tant est qu'il puisse y en avoir. Il n'arrive jamais vraiment à choisir son camp. Et puis, le film sortant en 75, le parallélisme avec le Vietnam me semble évident. Mais à nouveau, je trouve que le discours là-dessus de Milius, il est pas clair. On ne sait pas exactement ce qu'il veut en dire, ce qu'il veut... à nouveau, ça n'enlève en rien, les qualités... narrative du film en tant que tel, mais à chaque fois j'ai l'impression qu'on sent qu'il veut poser un propos, et comme s'il se freinait, Mais j'ai l'impression qu'il a du mal à le cerner, ce propos. Peut-être, c'est très bizarre, hein, parce que là, par exemple, donc on parle du personnage de Roosevelt. Moi, je trouve que en effet, je suis d'accord avec Julien sur ce point-là. Je trouve qu'il est quand même souvent tourné un peu en dérision, et je trouve même que le regard sur l'impérialisme américain est assez aussi fort tourné en dérision. Tu repenses à cette scène avec les cigares quand ils vont voir Geoffrey Lewis, etc. Ce type avec les yeux bleus, là, l'espèce de général qui débarque, il est quand même montré d'une manière relativement bouffonne, je trouve. trouve, alors que El Raisuli me semble défendre des valeurs qui sont des valeurs de protection de son propre espace, qui me semblent être aussi des valeurs typiquement américaines. Donc en fait, j'ai l'impression que à travers Raisuli, il défend une valeur typiquement américaine qui est de protéger son propre espace et de protéger ses coutumes, etc. Et, oui, c'est un refus de la soumission, en fait. Et en même temps, moi, je l'ai lu comme ça. Hein. J'ai vu quand même une certaine forme de... Peut-être d'admiration pour le côté revendicatif qui lâche pas le morceau de Roosevelt, tout en ayant un certain regard un peu critique sur Roosevelt. Mais après, on reparlera de la mise en scène et on reparlera de Kurosawa, si tu veux. Je vais laisser peut-être la parole à Manu sur ce point de Roosevelt et de Raisuli. Sur cette notion d'identification de Milius au personnage de Roosevelt, je pense qu'on fait un peu fausse route dans le sens où, à mon sens, il y a une véritable identification de Milius au personnage de Roosevelt et, pour le coup, une fascination de Milius vis-à-vis du personnage de Raisuli, qui est un personnage beaucoup plus exotique, là où le personnage de Roosevelt, à mon sens, est un personnage beaucoup plus tragique. Et d'une certaine manière, le personnage de Raisuli, dans la manière dont Milius l'aborde, c'est déjà un personnage de cinéma avant tout, bien plus que le personnage de Roosevelt, qui semble incarner un sort d'idéal de la nation américaine ou d'un idéal ou d'une certaine idée de l'Amérique telle que le conçoit Milius. C'est assez visible, notamment dans cette très belle scène de chasse à Yellowstone, où la comparaison d'un côté avec le personnage de Roosevelt et cette figure de l'ours qui incarnerait l'essence de la nation américaine et le personnage de Milius qu'on peut tout à fait deviner derrière les traits de cet ours au sens propre comme au sens figuré. Et au-delà de ça, si on peut ressentir une certaine distance en tant que spectateur vis-à-vis du personnage de Roosevelt, c'est parce que c'est aussi un personnage qui est beaucoup moins montré dans l'action, contrairement au personnage de Raisuli, et qui semble aussi être décrit comme un personnage beaucoup plus tragique, dans la manière notamment qu'il a, lors de la scène d'entraînement au tir, de s'adresser à sa jeune fille en cachant sa propre cécité. Tout ça accompagné du discours autour de sa propre solitude, de la solitude inhérente à sa fonction, et que d'une certaine manière, la seule personne avec qui il pourrait dialoguer est le personnage de Raisuli. Absolument. Alors après, effectivement, vu que le film est d'une certaine manière raconté du point de vue des enfants, c'est vrai que notre exotisme et notre fascination se portent sur le personnage de Raisuli, mais je ne crois pas pour autant que ça soit le personnage qui correspond au plus au point de vue de Milius sur le récit. Ça, c'est assez clair, ne serait-ce qu'au niveau de la mise en scène, et ça fera peut-être la transition, mais oui, il y a certains moments, on sent qu'il y a une mise en valeur, ne serait-ce que visuelle, à vue d'enfant, du personnage incarné par Sean Connery. Ça, c'est très net. Maintenant, est-ce que c'est vraiment le propos que lui attache Milius? Ça, j'en suis moins sûr. Mais on en parle donc de cette opposition entre Raisuli et Roosevelt. Et moi, ça me semble aussi être assez révélateur du film. C'est-à-dire que je trouve, ça va peut-être vous sembler étonnant ce que je vais dire, mais je trouve le film assez théorique. C'est-à-dire que je trouve que le film, ce qui l'intéresse, c'est de mettre en parallèle ces deux figures, de Roosevelt et de Raisuli, et que le récit intime, émotionnel de Candice Bergen, de cet enlèvement, de ses enfants, etc., j'ai l'impression qu'en fait, Milius, ça ne l'intéresse pas. Et je n'arrive pas... Enfin, émotionnellement, je reste très, très, très à distance de cette intrigue-là. Et d'une manière générale, même formelle, je trouve que le film, même s'il me séduit parfois, je suis constamment à distance et je trouve que la mise en image, le découpage, je me trouve souvent très éloigné, je me trouve souvent très spectateur, comme si Milius avait plutôt une... Enfin, pas une volonté d'illustration, mais plutôt qu'il voyait plutôt ces scènes comme des tableaux et que je ne rentrais jamais vraiment dans la scène d'un point de vue émotionnel, quoi. Et j'étais jamais vraiment impliqué. C'est un bête truc, mais ça m'a frappé sur cette scène-là. À la fin, donc il y a Candice Bergen qui vient sauver Sean Connery. Sean Connery, il est suspendu par les pieds. Et il y a une espèce de plan de coupe où elle va couper le truc et lui il tombe et on sent vraiment le truc super fake et je me dis mais c'est découpé de manière super plate, enfin je veux dire il y a énormément de réalisateurs qui aurait pu rendre ça plus drôle, plus dynamique, et que là, j'ai l'impression que le truc est baqué super vite comme ça. Et après, t'as parlé de Kurosawa, Lucien, Milius, quand il a pas pu faire l'armée à cause de son asthme, c'est ce qu'on raconte en tout cas, peut-être après imprimer la légende, hein, comme a dit Manu en préambule. Mais il serait rentré dans un cinéma, il aurait vu les sept samouraïs et il serait sorti en disant ok, je veux faire ça. Mais le truc, c'est que je trouve que la scène d'intro, surtout tout ce qui se passe dans la ville, avant tous les chevaux qui courent dans la ville, et aussi la scène où Sean Connery vient récupérer Candice Bergen et ses enfants qui ont fait une tentative d'évasion. Je la trouve sous haute influence Kurosawa. Enfin, je trouve qu'il essaye vraiment de faire le découpage à la Kurosawa, les longues focales, les raccords dans le mouvement, dans les panoramiques sur les chevaux, etc. Il y a vraiment, à mon avis, il veut vraiment redonner ce truc-là. D'ailleurs, il y a, par rapport à la présence des éléments, tu sens l'application pendant toute une partie du film à mettre le vent en évidence dans ces scènes. C'est aussi un truc qu'on retrouve beaucoup chez Kurosawa, le fait d'utiliser les événements climatiques pour rajouter du mouvement tout le temps. C'est très vrai ce que tu dis, Oli. C'est pas pour rien que je parlais de Kurosawa plus tôt. Et c'est aussi parce que du côté américain, il y a des cadres beaucoup plus statiques qui s'apparentent plus à la figure, de statue de Roosevelt. Et c'est pour ça que je prenais ces deux exemples-là, mais tout ce que tu viens de dire est absolument vrai. Et c'est vrai qu'une des limites du film, c'est ce côté par instant illustratif de la mise en scène de Milius. Absolument. Et c'est peut-être aussi en partie une des raisons pour lesquelles il fait partie des oubliés de cette époque-là. C'est un très grand raconteur d'histoire, mais c'est pas forcément le metteur en scène le plus accompli. Et ça se voit notamment dans un des parties pris de narration du film, qui est cette idée de raconter le récit du point de vue d'un enfant, et cette fascination un peu innocente que cet enfant peut avoir vis-à-vis de la guerre. C'est un parti pris extrêmement intéressant, mais qui ne se traduit pas forcément tout le temps au niveau de la mise en scène. Et c'est assez visible, notamment dans les scènes d'action, où il y a souvent la notion d'impact qui se retrouve assez émoussée. Il y a des scènes de décapitation qui sont extrêmement parlantes à ce niveau-là. Tout à fait, notamment dans cette première scène de décapitation, où malgré le jeu assez décalé de Sean Connery, on sent que Milius n'est pas du tout à l'aise dans la manière de filmer cette scène en tant que telle. Mais ça reste malgré tout une idée assez intéressante et que Milius va pleinement développer dans la scène du meurtre de la mère de Conan dans Conan le Barbare. Et c'est notamment visible dans la scène d'attaque de la plage, qui oscille entre des moments très inspirés et des moments beaucoup plus faibles. Tout ce qui a trait au combat au sol avec le personnage de Candice Bergen, à mon sens, ne fonctionne pas complètement. C'est une scène que je trouve plutôt réussie dans son exposition, mais pas forcément dans son exécution. Il y a vraiment un souci d'impact dans les coups que porte Candice Bergen auprès de ses assaillants. Et ça, à mon sens, c'est autant un problème de mise en scène que de montage. Mais après, pour le reste, dans cette même scène, il réussit à peu près tout ce qui a trait à l'iconisation des personnages, c'est-à-dire cette grande chevauchée sur la plage avec la décapitation d'un des assaillants de Raed Sully, et aussi ces gros plans sur l'eau et les sabots des chevaux. Mais c'est vrai que, contrairement à un film comme Dillinger, qui était un film beaucoup plus resserré, c'est vrai que dans ce film qui se veut à une plus grande échelle, beaucoup plus épique, c'est vrai que là, pour le coup, on voit les limites de Milius en tant que metteur en scène. Et c'est particulièrement visible dans les séquences d'action. Moi, je trouve que ce que tu racontes est je crois, en partie vrai, effectivement, mais je trouve que c'est ce qui m'a aussi plu dans le film. Par exemple, tu parles de cette scène où il retrouve les enfants qui se sont échappés, etc. Alors oui, c'est parfois illustratif, mais je trouve que c'est un film avec des carences, comme vous l'avez dit, mais ultra généreux, je trouve. Et qu'il y a un vrai plaisir à se faire, à se fabriquer, et il y a un vrai plaisir de mettre tout le temps le spectateur dans un spectacle. Olivier, tu disais, je me sentais spectateur, c'était la limite de ton identification, mais moi, je trouve que ce côté, justement, où malgré quelques maladresses, j'assiste effectivement à un chouette spectacle. Et je trouve que, vous en avez parlé, mais la scène d'ouverture, elle est révélatrice. Elle est effectivement pas toujours bien rythmée, pas toujours d'une grande fluidité, mais par contre, il y a un peu tout ce que va contenir le film. Il y a en même temps de l'humour, effectivement, comme Olivier le disait en début de parcours, avec ce cheval qui n'arrive pas à tenir, avec ce personnage qui apparaît de très mystérieux à très ridicule, et à toute son ambivalence qui va se révéler ensuite. On a une scène grandiloquente, très, très haute en couleur et qui est contrebalancée par un humour. C'est en ça que je trouve que le film est généreux. Oui, mais tout à fait. Mais c'est des éléments qui sont présents beaucoup plus à l'écriture que réellement dans la mise en scène. Après, je pense que tous les aspects vraiment d'iconisation des personnages, il le réussit très bien et c'est ce qu'il fera brillamment, dans, par exemple, dans Conan. Mais voilà, de toute façon, on est dans une émission classique et on parle grosso modo dans une émission classique de films qu'on aime. Donc effectivement, on peut mettre en avant certains défauts, mais ça reste un film absolument fascinant. Absolument. Ouais. On est très chagrin depuis le début de nos interventions respectives sur le film, mais il faut dire ce qui est, c'est un film plus que plaisant. C'est un film qui est aussi, il me semble, assez ambivalent sur le regard que porte Milius sur le personnage féminin. J'arrive à nouveau pas bien à le déceler. Je trouve ça d'autant plus étonnant que pour écrire le film, Milius s'est inspiré d'un texte de Barbara Tuchman ainsi que d'une bio de El Rey Sully, elle aussi écrite par une femme, à savoir Rosita Forbes. L'histoire devrait donc être sous forte influence féminine, mais au final, assez peu. Et je n'arrive pas non plus à cerner ce personnage féminin. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais chose à noter aussi, c'est qu'apparemment, Milius n'a jamais cherché à se rapprocher de la cohérence historique, et peut-être qu'il a pris beaucoup de liberté par rapport aux textes desquels il s'est inspiré. Petite anecdote, puis je termine sur le côté féminin de la chose, mais ce personnage de Madame Perdicaris avait été écrit pour Julie Christie, et puis fut proposé à Faye Dunaway avant d'aboutir dans les mains de l'actrice qui finira par l'interpréter ici dans le film. Candice Bergen. Voilà. Mais sur cette question de réalisme historique, comme tu dis, moi j'ai été frappé par quelque chose. Je suis d'accord avec ce que tu dis sur le rôle de la femme qui n'est pas toujours clairement identifié, identifiable. Ça tient même carrément au duo parce que pendant tout un moment, tout un pan du film, au début, et même si c'est une émission hommage, etc., et qu'on aime beaucoup l'acteur, je me suis dit, tiens, c'est quand même finalement un drôle de choix de donner à un vieil Écossais, enfin, qui n'est pas encore si vieux que ça, mais à un Écossais, le rôle d'un chef berbère de tribu, et j'ai eu un problème d'identification au récit. Oui, mais c'est peut-être parce que tu découvres le film en 2020, mais c'est pas du tout une question qui se posait à l'époque, puisque ça faisait partie de la tradition du cinéma hollywoodien ou britannique. Oui, mais ce qui est intéressant, peut-être, effectivement, t'as raison Manu, je le découvre en 2020, ça doit être une question qui se pose, mais ce que j'ai noté, c'est que ce problème d'identification, il s'est quand même dissipé au fur et à mesure du film, notamment parce que Sean Connery, je trouve... parfois une espièglerie vis-à-vis de la religion, vis-à-vis de tout ce qui compose vraiment le côté berbère à proprement parler. Il a comme un sourire, une petite lueur dans l'œil qui le met à distance, et je trouve ça assez malin de sa part de ne pas être dans une identification absolument totale et d'essayer de nous faire croire qu'il est né là-bas, mais bien d'incarner ça avec parfois une petite distance salutaire. Ce que fera toujours Sean Connery, peut-être à l'exception de The Offense ou de quelques rares exemples, mais Sean Connery est un acteur de ce type-là. Non, mais ce que je trouve, juste dans ce que tu dis, Julien, c'est que moi, là, je le trouve parfaitement dans le ton du film, parce que le film, justement, il est toujours sur ce ton un peu rigolard, un peu bouffon, un peu même qui fait un peu même des clins d'œil au spectateur, pas du tout naturaliste. La première fois qu'on voit le pacha machin qui bouffe ses dattes et qui va fumer le narguilé, on est clairement dans un cartoon quoi quand on voit ça. mais moi je trouve par exemple que justement cette scène du sultan, elle est assez drôle quoi. Enfin là je trouve que l'humour fonctionne. Je sais pas, parce qu'on pourrait penser que non justement aujourd'hui, mais son personnage too much, le sport avec les vélos qui se cassent la gueule, lui qui rigole, effectivement moi je le trouve assez drôle, assez truculent quoi. Et le film partage une certaine ironie avec le second film de notre programme, je pense aussi. Très bien, merci messieurs. Je vous propose maintenant de passer au second film de la soirée, The Man Who Would Be King, l'homme qui voulut être roi, de John Huston, 1975. Et on commence par un petit extrait. Peachy, I'm heartily ashamed for getting you killed instead of going home rich like you deserve to, on account of me being so bleeding high and bloody mighty. Can you forgive me? That I can, and that I do, Danny. Free and full, and without let or hindrance. Everything's all right then. Glorious band, the chosen few on whom the Spirit came. 12 valiant saints, their hope they knew and mocked the cross and flame. He met the tyrant's brandished steel, the lion's gory mane. He bowed his head, his death to feel. Parlons donc maintenant du film légendaire L'homme qui voulut être roi de John Huston en 1975. Le pitch, c'est quoi pour ceux qui ne le connaissent pas et d'ailleurs, je ne l'ai pas préécrit, donc je vais un peu l'improviser, mais ça se passe dans les Indes britanniques au début du XXe siècle. Rudyard Kipling se fait subtiliser sa montre à gousset dans une gare indienne. Le voleur s'appelle Pitchy Carnahan. Il est interprété par Michael Caine. Et puis ce Pitchy s'aperçoit que la montre contient des symboles francs-maçons. Il décide de la rendre à son propriétaire et les deux hommes sympathisent. À partir de ce moment-là, Rudyard Kipling va devenir le conteur de l'aventure de Pitchy Carnahan, donc Michael Caine, et aussi de son complice Daniel Dravot, interprété par Sean Connery, qui sont tous deux d'anciens militaires de l'armée britannique qui sont restés aux Indes et qui décident, après avoir signé un contrat qui les oblige à arrêter de boire et à renoncer au charme féminin, qui vont ensemble partir dans une région qu'on imagine au nord-est de l'Afghanistan, le Kafiristan, pour devenir roi. Voilà, donc c'est un film que John Huston réalise en 1975, après une longue histoire que vous contera Manu dans un instant. La musique est de Maurice Jarre et la photographie de Oswald Morris, qui a travaillé plusieurs fois déjà avec John Huston, notamment sur Moby Dick, et qui signera quelques années après celle de Lolita de Stanley Kubrick. Voilà Manu, je te cède la parole. Bah, pour commencer, on peut dire que c'est un projet de longue date pour Huston, qui a caressé le projet de ce film pendant de nombreuses années. C'est un projet d'adaptation donc, de la nouvelle de Kipling, L'homme qui voulut être roi, une nouvelle qui fait une trentaine de pages et que Huston va transformer en un film de plus de 2 heures. Donc au départ, le film est pensé avec au casting Humphrey Bogart et Clark Gable, deux acteurs que Huston dirigera durant sa carrière, Clark Gable qu'on retrouve dans Les Misfits et Humphrey Bogart qui sera un peu le compagnon de route de Huston puisqu'ils signeront ensemble 6 films. Au fil des années, le film a été envisagé avec en tête d'affiche Burt Lancaster, Kirk Douglas, Richard Burton, Peter O'Toole, ainsi que Paul Newman et Robert Redford. C'est même justement Newman qui va orienter Huston vers un choix beaucoup plus anglo-saxon pour plus de véracité vis-à-vis de l'histoire. Donc il faudra attendre 75 pour voir la vision de Huston se concrétiser à l'écran, avec un casting beaucoup plus raccord, avec cet environnement britannique du récit de Kipling, avec Michael Caine et Sean Connery, ainsi que la participation de Christopher Plummer dans le rôle de Kipling. Huston est crédité au scénario aux côtés de Gladys Hill, qui est une de ses collaboratrices de premier plan, qui va signer avec lui les scénarios de La Lettre du Kremlin, de Reflet dans un œil d'or, et qui va assister Huston sur presque tous ses films à partir de Passion de Freud, Passion secrète. Et donc quand le film sort au milieu des années 70, c'est presque un film anachronique, parce que c'est déjà une époque où Hollywood produit plus du tout ce genre de films d'aventure. À l'instar du film de Milius qui date de la même année, c'est vraiment un film qui est un petit peu d'un autre temps et qui est une célébration autant des films d'aventure qu'une célébration de cet esprit d'aventure et d'amitié qui porte les personnages de Connery et de Caine. Cet esprit d'aventure qui caractérise aussi toute la carrière et le cinéma de Huston et même sa vie en général, et pour lequel Huston avait une très belle définition. Quand il parlait de cette aventure, c'était la grande aventure, celle de l'âme humaine. Puis en dehors du côté aventurier de Huston, qui en effet a tendance à faire des films qui ressemblent à sa propre vie ou a tendance à faire ressembler sa vie au film qu'il fait, je ne sais pas exactement. C'est un réalisateur qui a tout au long de sa carrière tenu un lien étroit avec la littérature. Moi, j'ai tendance à penser directement à chaque fois que je vois un film de Huston à Hemingway, avec lequel il partage aussi certaines étapes de vie. Hein. Tous deux sont passés par la boxe, par la guerre et par bien des choses, par l'alcool évidemment, les excès en tout genre. Hein. C'est un cinéaste qui a toujours tissé des liens étroits avec la littérature. Donc, outre Hemingway que je citais plus tôt, on peut penser aussi à un rapport assez romantique à la London, mais... Mais c'est surtout que concrètement, dans ses films, il a beaucoup adapté. Il a écrit Plus fort que le diable à quatre mains avec Truman Capote. Il a adapté un grand nombre de romans, dont de certains de Romain Gary, de Joyce ou bien de ce bon vieux Rudyard Kipling. Et de tout ça découle une certaine approche du cinéma d'un pur point de vue de conteur, on va dire. J'ai l'impression que très généralement, Houston raconte des histoires et adapte sa mise en scène, souvent en retrait, aux histoires qu'il raconte. C'est quelque chose qui lui était beaucoup reproché, dont on disait que c'était un cinéaste qui n'avait pas de style. C'est évidemment une absurdité, je trouve. Petite anecdote d'ailleurs, Romer, qui n'est peut-être pas à sa première connerie, aura dit qu'on ne pouvait pas aimer le cinéma et John Houston en même temps. Alors qu'on pourrait plutôt dire on ne peut pas aimer Romer et le cinéma en même temps, ce qui serait un peu plus juste en termes de formulation. Ça, c'est tout l'avis de notre cher Manuel Haas. Mais qui n'engage que lui. Hein. Et puis, en dehors de ce rapport-là à la littérature qui prend énormément de place dans son cinéma, je pense qu'il y a quelque chose qui va peut-être être une piste d'ouverture pour la lecture du film qui nous occupe ce soir. C'est une recherche quasi permanente, ou en tout cas très régulière dans ses films, d'une certaine cartographie du rêve et du rêve dévorant qui mène à l'échec. Je pense que c'est une définition qui s'irait plutôt à l'homme qui voulut être roi. Tu parles du rêve dévorant qui mène à l'échec, mais moi je vois surtout, de manière un peu moins romantique, enfin romantique dans la prononciation, une quête de sens en fait. C'est-à-dire que Connery et Kane sont des escrocs, mais Sean Connery se retrouve quand même au milieu du film, enfin à un moment tournant du film, investi d'une espèce de quête de sens, et très clairement il va en revenir de manière très violente. Yes, et pour accrocher à ce qu'a dit Lucien, c'est ce qui m'a plu en dehors de l'aspect aventureux et picaresque du film, c'est qu'il y avait un aspect moraliste en fait dans le film. Et moraliste n'est pas moralisateur. Et ici, je trouve que ça m'a ramené presque à des fables de La Fontaine ou des choses que j'aime beaucoup par ailleurs. Voilà, qui sont vraiment une étude de l'homme, effectivement. Je vois ce que tu veux dire, mais chez Houston, en général, l'égoïsme, la vanité, comme la vénalité, ce genre de choses, amène à la chute et à l'échec. Mais cet échec est toujours mégalo, désinvolte et assez génial, en fait. Et c'est ça qui donne, je pense, ce côté fable, un peu picaresque dont tu parlais. Puis l'échec est beau parce qu'il a été vécu. Parce qu'il a été vécu et puisqu'il il brasse énormément de choses. C'est l'amitié de ces deux hommes, elle est solidifiée à travers leur soif délirante de pouvoir à un certain moment dans le film. Et c'est là qu'il y a une rupture qui est intéressante. C'est le discours acerbe en fait que le film tient sur la condescendance pour moi et l'hypocrisie coloniale de l'Angleterre. Ainsi que l'aveuglement religieux de différents peuples. C'est une idée qui est accentuée pour moi par les références franc-maçonniques qui reviennent régulièrement et qui pourraient démontrer une forme d'organisation, on va dire, d'un certain pouvoir qui se penserait prévaloir aux autres organisations. Et tout le parallèle entre ces deux religions, si on peut dire ça comme ça, les coutumes sur place et les coutumes franc-maçonniques est assez dans ce film-là assez passionnant. Je pense entre autres, il y a une scène qui est assez marquante là-dessus. Je pense au rite initiatique, on va dire, que subit le personnage de Connery pour vérifier son appartenance à un dieu ou non. Enfin voilà. Je pense en effet, il y a un parallèle qui est tracé entre une espèce d'association païenne qui serait la franc-maçonnerie secrète, une espèce d'organisation qui va contrôler les choses et qui porte certaines valeurs, et aussi la religion d'une manière générale qui est représentée par la religion des autochtones. Oui, tu as tout à fait raison. C'est aussi la franc-maçonnerie et leur colonialisme, parce que c'est la raison première pour laquelle ils sont là, qui les amène là, avec leur vanité, entre guillemets. Et c'est toujours cette franc-maçonnerie, pour moi, qui les tire plus loin dans le délire, en fait. C'est vrai pour la franc-maçonnerie, ce que tu dis, mais pas ouais, pour... Enfin, il n'y a pas que ça. Hein. Ce qui l'attire aussi, c'est de l'avidité pure et simple, du moment où ils découvrent les joyaux et les trésors, etc. Mais il y a leur côté vénal, et je pense qu'il y a clairement une, une volonté un peu de revanche sociale, effectivement, sur le, vis-à-vis de leur situation en Angleterre, que tu peux imaginer, qui n'est pas forcément celle... Ouais, d'où l'ambivalence du truc. Qu'ils considéraient être celle de leur rang. Donc, il y a ça. Mais je pense que la franc-maçonnerie, elle n'est pas uniquement vue comme un équivalent à une religion. Pour moi, la franc-maçonnerie est montrée plutôt sous un aspect assez positif et plutôt comme mis en parallèle avec la camaraderie et cette entente qu'ont les personnages qui va lier le personnage de Kipling et les deux personnages d'aventuriers interprétés par Connery et Kane. Et justement, je trouve ce qui est très beau dans l'échec dont tu parles à la fin du film, c'est aussi cet échec célèbre que la seule chose qui comptait, c'était cette camaraderie. Ce n'était pas ce besoin d'avidité pour revenir au pays et étaler sa richesse et montrer sa position sociale. C'est qu'en fait, cette quête qui les a amenés jusqu'au Kafiristan, elle ne tenait qu'uniquement par leur camaraderie. Et c'est ce qui est très beau dans la scène de fin où ils se savent condamnés. C'est une des plus belles scènes du film. Ce sens un petit peu de l'absurdité de la vie et de se rendre compte au dernier moment que en fait on est passé à côté de l'essentiel, c'est déjà ce que tu avais dans le final du Trésor de la Sierra Madre, avec la séquence où Walter Huston père éclatait de rire face à cette poudre d'or qui s'était évaporée avec le vent. Bah oui, juste les deux personnages forment vraiment un duo et presque deux faces de la même pièce. Et il me semble même que Brion parlait d'une union sacrée en parlant de l'union de ces deux personnages. Et c'est vrai qu'en effet, c'est très beau le moment où lorsqu'ils se séparent, en fait, c'est pour mieux se retrouver. Parce qu'à un moment, il y a une dissension entre les deux personnages. Et c'est pour mieux se retrouver sur la fin face à leur échec et face à leur mort certaine. Et je trouve même, pour aller plus loin, que le fait que Peachy trimballe la tête de son double ami, entre guillemets, tout le long du restant de sa vie, et qu'il s'en débarrasse un moment auprès de Kipling lui-même, en fin de film, c'est comme une manière que je trouve très émouvante de se débarrasser de cette partie de lui comme ça pour pouvoir lui-même aller s'éteindre paisiblement, quoi. Puis cette fin de Sean Connery dont vous parlez, elle est effectivement magnifique et je la rattache justement à ce que je disais quand je parlais de moraliste, c'est dans le sens où effectivement après cette avidité et après ce d'avoir presque tourné le dos à ses valeurs de camaraderie, d'entente cordiale, etc. Il s'appelle frère, bon ça vient de la franc-maçonnerie, mais enfin il y a vraiment un lien indéfectible entre eux. Et puis finalement c'est quand il se rend compte qui s'est rêvé, bah, je disais la fontaine plus gros que le bœuf, que la grenouille voulait se faire plus grande, que il est au plus haut, que se renverse totalement sa vie et que son échec paraît totalement inéluctable. Et en fait, c'est ça qui est beau, c'est que non seulement la scène visuellement est magnifique sur le pont, elle est spectaculaire, et en plus c'est vraiment après que nous, spectateurs, nous soyons dit, tiens, ça y est, il a effectivement tourner le dos à ses valeurs qu'il chute et qu'il est ramené à la bassesse de l'homme et à l'infiniment petit en fait. Et émotionnellement elle fonctionne à plein régime parce que ce point de bascule il correspond au point de bascule où on retourne au temps présent avec Kipling et on a ce fondu, cette ouverture sur le visage de Kipling qui est complètement effaré par ce qu'il vient d'entendre et on est complètement dans la même position de sidération que le personnage de Kipling à ce moment-là quand on voit la scène. Non seulement c'est le fait de rompre avec ses valeurs qui va précipiter sa chute, mais en plus c'est typiquement le fait de rompre le contrat qu'il a scellé avec le personnage de Michael Caine qui va précipiter la chute du personnage. Absolument. Et ce qui est encore plus beau, c'est en contrepartie, comment va mourir Sean Connery ? Sean Connery va mourir sur le pont que Michael Caine a érigé lui-même pendant le temps qu'il l'attendait de partir du Kafiristan. Je veux dire, au niveau du récit, c'est quelque chose d'extrêmement clair. Il est clair, sur ses thèmes, il est plein. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est là où on peut parler un petit peu de mise en scène et l'opposer à John Milius. C'est marrant parce que tu dis que Huston est considéré souvent avant tout comme un conteur et qu'il n'a pas de style. Mais on parlait de Milius juste avant, qui est aussi considéré plus comme un raconteur d'histoire. Et ici, tu vois quand même que je ne suis jamais spectateur. Enfin, je ne suis jamais dans cette position de retrait. dans le récit de Houston. Dans le récit de Houston, je suis toujours inclus. Le récit m'invite. Les personnages je suis camarade avec ces personnages. Je suis avec eux. Moi, je suis pas d'accord avec ça tout le temps. C'est là que j'ai des réserves, mais. Ouais, non, bah juste si je peux finir. Termine. Très, très typiquement, c'est un truc où je trouve que Houston a une beaucoup plus grande maîtrise de l'ensemble des outils du matériel cinéma, quoi. C'est-à-dire que quand il fait une scène, Houston, il m'inclut dedans. Je trouve qu'il va aller chercher des dynamiques dans ses cadres que t'as pas chez Milius. Il va aller chercher des choses pour raconter son intrigue et les personnages et les rapports entre les personnages. Il va aller dedans, quoi, tu vois. J'ai l'impression que Milius reste extérieur et j'ai l'impression que Houston, lui, il rentre et il m'invite dans son récit avec lui. Et mais purement au niveau de sa mise en, oui. en image. Après, effectivement, t'es d'un côté, t'es face à un second film d'un réalisateur, d'un jeune réalisateur. Là, tu es dans l'apogée et la dernière partie de la carrière d'un très grand réalisateur. Donc, effectivement, certes. De toute façon, ça ne peut pas jouer à partie égale dans ce domaine-là. Mais c'est vrai que la mise en scène de Houston n'est pas une mise en scène qui se met en avant. C'est en ça, peut-être qu'elle a paru à certains instants transparente pour certains critiques. Et aussi, je pense que c'était dû au fait du comportement même de Houston qui était connu sur ses tournages, où quelquefois il était plutôt en mode très dilettante sur ses tournages, et ce qui n'a pas empêché des fois de faire des très grands films malgré tout. Mais c'était quelqu'un qui dirigeait à minima. On en parlait off, mais Ken était un peu dérouté au moment du tournage parce que justement il avait très peu de retours de direction d'acteur de la part de Houston, parce que Houston considérait qu'en l'ayant choisi, et il avait déjà fait une grande partie du boulot, et que le reste du boulot était à faire par Kane. Et donc c'est pas quelqu'un qui dirigeait les gens de manière autoritaire, qui avait une souplesse dans cette direction de. Ce qui peut le différencier justement de la mise en scène de Milius, qui par moments effectivement est illustrative et a une volonté vraiment de faire de l'image. Mais quelquefois qui te sort du point de vue émotionnel que doit avoir la scène, par juste une volonté de coller presque à un storyboard ou à une image prédéfinie, là où Houston va toujours construire sa scène en fonction de ses acteurs et du centre émotionnel de la scène. Moi, je comprends certaines réserves et je suis pas tout à fait d'accord avec Olivier, parce que je trouve que dire qu'il n'a pas de style, etc., effectivement, je trouve que c'est une aberration. Mais ce que je dirais, c'est que je le trouve dans ce film-ci, en tout cas, plus intéressé par certaines choses que par d'autres. Je trouve que le récit prend totalement son ampleur quand ils arrivent concrètement en Kafiristan, quand il est vraiment dans cette ville, etc. Et je pense qu'en première partie, il y a certaines scènes qui sont non traité, ce serait beaucoup trop exagéré de dire ça, mais passer un peu vite à la trappe. Par exemple, il y a une scène où il traverse une rivière, un torrent. C'est réglé en un plan ou deux plans maximum. On a cette apparition dans la neige. Ça passe très très vite. Il voit deux géants. Il tire dessus. Voilà, il y a des choses qui avancent très très vite sans que je trouve qu'on prenne vraiment le temps de les installer, de les jouer, de les faire exister totalement. Parce qu'en effet, je trouve que ça passe juste à, en fait je crois qu'effectivement vous avez dit le mot, c'est au service d'une fluidité, d'une limpidité de faire avancer le récit, de pas s'apesantir sur des choses. Mais je trouve qu'il y a certaines scènes comme ça que c'est dommage qu'elles soient expédiées, parce que il y a après des morceaux de cinéma magnifiques dans la deuxième heure notamment. Ben, je pense en effet que c'est pas ce qui l'intéresse simplement, et qu'il va vers autre chose, et que cette partie-là du récit, en plus elle est pas non traitée pour moi, elle est traitée puisqu'on on l'entreprend, on la comprend. Elle est traitée rapidement, ça je suis absolument d'accord. Mais ça me semble, cette manière de t'englober dans le récit, elle est évidemment liée à la mise en scène qui est brillante, mais elle est aussi intéressante de par le fait de t'intégrer dans le récit par le personnage de Michael Caine, je trouve. Et ce personnage est pour moi le plus intéressant, dans ce sens où c'est celui qui traverse vraiment le récit du tout début à la toute fin, qui a la trajectoire la moins directe, je vais dire, qui oscille plus entre différentes faiblesses morales, là où Connery tombe plus directement dedans, disons. Mais c'est aussi ce personnage le premier qui se souvient de l'amitié qui a rendu possible toute cette expédition et tous ses exploits, et qui se souvient aussi de l'unique écart à leur charte amicale qui, comme le disait plutôt Olivier, causera leur perte, puisqu'ils s'étaient en effet jurés de ne pas de ne pas se laisser aller au plaisir de la chair. Et c'est ça aussi qui rend la fin bouleversante, mais là je m'égare. Ce que ce début rend possible, c'est cette trajectoire du personnage. Oui, mais tu vois, par exemple, on parle beaucoup de ce côté du code qu'ils ont créé entre eux. Ça marche très bien une fois que Sean Connery l'enfreint, etc. Mais il y a aussi une scène où une femme se dénude devant Michael Caine. Et je trouve que c'est traité, effectivement, très rapidement. Ça n'apporte pas grand-chose entre eux, si ce n'est qu'on voit qu'ils renoncent. Ça ne modifie pas grand-chose entre eux. C'est des scènes qui sont à nouveau, ça vite correspond passées. Exactement à ce que je viens de dire. C'est-à-dire que, justement, Michael Caine, lui, est aussi amené à rompre le pacte et ne le fait pas là où Connery va tomber en plein oui, dedans. Oui, justement, elle est vraiment à mettre en parallèle avec la décision que prend plus tard Connery. Et en mon sens, cette scène est tout à fait réussie parce qu'elle a un côté mauvais garçon irrévérencieux dans la manière dont elle est filmée et provoque, ouais. qui fonctionne, je trouve, toujours encore aujourd'hui. Et notamment, elle succède à la scène où, justement, ils font état de leur pacte auprès du chef de la tribu, et où il y a tout cet aspect, non pas l'alcool, non pas les femmes, mais vous préférez peut-être les garçons. Pour le coup, c'est pleinement traité par ces deux scènes-là, quoi. Et c'est pas du tout évacué, à mon sens. En dehors du côté drôle, c'est aussi porteur de sens, ça montre à nouveau leur vanité. En fait, s'ils vont là-bas, c'est parce qu'ils sont certains d'arriver à leur fin, qu'ils sont certains de leur supériorité. Vous trouvez vraiment que cet humour fonctionne là, que vous rigolez en voyant ce film? Oui, et moi j'irais même plus loin en disant que justement je trouve que rien qu'en fait, pour parler des acteurs à proprement parler, rien que la liberté qu'ont ces deux acteurs d'aller au fond de ce qu'ils font respectivement, d'aller au fond de leur jeu, rien que ça je trouve ça drôle et émouvant. Ils semblent s'éclater à tout moment et pour moi ça ajoute à consolider l'amitié de leurs personnages. À l'écran, on le voit, on sent ça. Et je parlais de désinvolture plutôt. Je rajouterais même une certaine ironie quant à leurs conditions, et ça se ressent aussi dans leur jeu. Et justement, tout cet aspect humoristique et truculent des personnages, moi je trouve qu'il fonctionne tout au long du film, parce qu'il participe justement de la caractérisation des personnages et de ce qui les lie entre eux. Et en plus, je trouve que Houston en joue assez admirablement bien. Il y a notamment la scène où Sean Connery reçoit les offrandes des différentes tribus et rencontre pour la première fois le personnage de Roxanne, qui est interprété par Shakira Kane. Et il y a une double lecture, quand on sait en plus que c'est la femme de Michael Caine qui joue ce rôle-là, de voir le personnage de Sean Connery lui demander de se tourner, de la regarder, etc. Et ce côté un peu mauvais garçon qui, sous des prétextes un peu fallacieux, demande à cette femme-là de la reluquer. Et en même temps, d'avoir ce personnage de Michael Caine qui est en retrait et qui est en train d'observer, Sean Connery en train d'observer lui-même sa femme. Pour moi, c'est vraiment un élément vraiment constitutif du film et de sa tonalité. Oui, je suis complètement d'accord avec ça. Moi aussi, je trouve le film très drôle. J'ai ri aux éclats à plusieurs moments du film. Et d'autre part, non, je voudrais juste revenir sur un truc que tu as dit tout à l'heure. C'est tu trouvais que ça allait vite. Je comprends ce que tu dis, Julien. Tu dis ça va vite, le moment où ils traversent la rivière avec les estomacs de chèvres, etc. Le moment où ils sont dans la montagne et tout. Mais je trouve justement que c'est l'addition de ces petits moments qui fait que le récit d'aventure s'incarne complètement, je trouve, et qui fait que leur trajet, qui finit sur cette scène magnifique à la montagne, là, quand ils parlent, enfin, ils sont fatalistes, ils se disent qu'ils vont mourir, voilà, mais bon, au moins, on est à deux, et ils rient, ils se rappellent le bon temps, ils rient aux éclats, et c'est ça qui les fait avancer encore plus. Moi, je trouve que c'est l'addition, en fait, de tous ces petits épisodes qui fait que je rentre à fond dans le récit, et pour moi, je considère ça comme une seule entité, si tu veux. Pour moi, la scène, c'est l'addition de ces petits moments d'aventure que je trouve, moi, à chacun plus croquignolés les uns que les autres. Et puis d'un pur, je suis absolument d'accord avec ça, mais d'un pur point de vue, je vais dire, de plaisir de cinéphilique, ce sont principalement ces scènes-là qui permettent d'admirer les magnifiques made paintings d'Albert Whitlock, qui est quand même lauréat de 3 Oscars, qui bossait souvent avec Disney et la Universal, si je ne m'abuse. Et je trouve que juste c'est un pur ravissement pour l'œil, et rien que pour ça, je trouve que ces scènes ont leur importance. Je crois justement que Whitlock, il est là que pour un des plans les plus emblématiques, qui est le plan de la découverte de la cité de Sikandar. Mais pour le coup, ben, une grande partie du reste des matte paintings ont été réalisés par les équipes de Wally Weaver, qui est déjà un des grands superviseurs des effets visuels britanniques, qui a bossé notamment sur Le voleur de Bagdad, qui a aussi travaillé sur L'Odyssée de l'espace. Il est notamment un des orfèvres justement de la séquence du passage temporel. Et aussi, surtout, puisqu'il fallait bien faire un petit point Michael Mann dans un podcast transmission, c'est son dernier film, c'est La Forteresse Noire, film sur lequel il va décéder et emporter avec lui toute une partie de ses secrets de fabrication sur la créature du film, et donc va laisser littéralement Mann dans un trou noir pour terminer le film. Bon, on a donc atteint le point Godwin de transmission, le point Michael Mann. Je vous propose, messieurs, si vous n'avez rien de plus à ajouter, en tout cas, deux excellents films à redécouvrir en combo Blu-ray, DVD. Merci beaucoup. Vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux, Facebook, Twitter, Instagram. Vous pouvez aller sur notre site, vous pouvez nous écouter, vous pouvez nous partager, vous pouvez nous aimer, vous pouvez nous commenter, vous pouvez nous insulter, vous ne pouvez pas nous jeter des pierres, mais bientôt nous serons en place publique et vous pourrez alors nous jeter tout ce que vous avez sous la main. Merci messieurs, merci Julien. Merci à vous. Merci à vous. Merci Manu. Merci les gars. Merci Lucien. Et à très bientôt. Au revoir. Merci de nous avoir suivis.